Ainsi se termine cette première nuit Chesterton. François Rivière, on a commencé avec vous cette nuit Chesterton, et c'est bien naturel puisque vous avez publié l'an dernier chez Rivage une biographie qui s'intitule Le Divin Chesterton. Divin parce que c'est une passion, vous avez une passion pour lui, ou parce que c'est un homme qui a épousé la cause catholique après avoir été anglican les cinq sixièmes de sa vie, disons. Oui, même divin au sens trivial, hein, si je puis me permettre, et pour moi il est divin. Vous conseilleriez quelle lecture? Le nommé jeudi, bon, évidemment, L'homme à la clé d'or, c'est les mémoires de Chesterton, Magie, dont on a parlé, donc la pièce chez Rivage, La sphère et la croix, ça a été réédité dans l'imaginaire chez Gallimard, La chose, pourquoi je suis catholique, c'est dans Climat, Orthodoxie et hérétique. Également, Le poète et les fous, c'est en livre de poche, et puis bien entendu, donc, alors le roman de Louis Seabra S chez Rivage. Rivage s'intéresse beaucoup à Chesterton, et le divin Chesterton, est-ce que vous avez dissimulé des choses sur Chesterton, parce que ça vous gênait un petit peu, parce que finalement, on se dit, tiens, ce personnage, on l'aime, on aime l'écrivain, et puis quand même, il y a des petites choses qui peuvent être désagréables. Je crois que par moment, dans ses essais, il fait notamment un essai sur le divorce, pour condamner le divorce, je trouve ça totalement sans intérêt, et un peu décalé. Au fond, il parlait de choses, je me demande si au fond, lui-même n'avait pas une envie folle de divorcer. C'est son entourage, voyant que sa femme, qui était une espèce de, ce qu'on appelle une grenouille de bénitier, enfin, ce qu'on appelait comme ça, était insupportable, il disait, il devrait la battre, ça leur fait du bien à tous les deux. Effectivement, il y a un côté assez, presque conformiste dans le conservatisme, enfin, bizarrement, quoi, que je trouve assez désagréable. Enfin, d'où des récupérations parfois du personnage. Il allait un peu pêcher partout, enfin, il avait peur de manquer. Effectivement, il n'est jamais devenu riche, hein, et d'où le fait que peut-être justement il était un peu. Ses ennemis, c'était les riches. Mais ce qui reste, c'est des vrais chefs-d'œuvre. Enfin, le Napoléon de Notting Hill, quoi, qui se passe dans le quartier où il a grandi, est merveilleux. Et La sphère et la croix, qui est un espèce de polar métaphysique. Enfin, avec des courses de voiture, enfin des poursuites en voiture. Bon, on a aussi dans le jeudi, on en aura, avec sur un éléphant dans Londres, mais ça sera la semaine prochaine, ouais. François Rivière. Eh bien, merci. Donc, je rappelle Le Divin Chesterton, votre biographie de Chesterton, publiée chez Rivage. La semaine prochaine, à la même heure, deuxième nuit spéciale Chesterton, qui commencera avec un entretien avec Jean-François Merle à propos du Père Brown, donc l'intégrale publiée chez Omnibus. Et on aura donc la suite et fin du nommé jeudi, et puis d'autres émissions sur l'humour de Chesterton, anthologie étrangère sur La sphère et la croix, un réplique, l'éblouissant Chesterton par Alain Finkielkraut. Et c'est bien, entre-temps, les auditeurs ont une semaine pour télécharger toutes les émissions qu'ils ont pu entendre cette nuit, et puis aller lire du Chesterton. Merci et très bonne journée à vous et à toutes et à tous.